Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ha, Mim. Par le livre explicite, nous l'avons fait descendre en révélation par une nuit bénie, et nous nous devions d'avertir. En cette nuit est arrêtée toute décision. Cet ordre émane de nous, car c'est nous qui envoyons les messagers. Par miséricorde de ton Seigneur, lui qui entend tout et lui l'omniscient. Seigneur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre eux, pour peu que vous en ayez la certitude. Il n'est point d'autre divinité que lui. Il fait vivre et il fait mourir. Lui, votre Seigneur, est le Seigneur de vos premiers ancêtres. Mais ils sont dans le doute et ne font que s'amuser. Attends donc le jour où le ciel fera venir une fumée bien visible, qui enveloppera les hommes. Voilà donc un supplice très douloureux. « Seigneur, s'écrieront-ils, débarrasse-nous du supplice, nous sommes devenus vraiment croyants. À quoi leur sert-il aujourd'hui de se souvenir quand un messager explicite est déjà venu à eux ? Ils se sont détournés de lui en disant « C'est qu'il a déjà été initié à ce genre d'exhortation, et ce n'est qu'un fou que nous interrompions le supplice pour peu de temps, et vous voilà revenus à votre mécréance. » Le jour où nous sévirons de notre plus grande colère, nous aurons tiré vengeance. Nous avons éprouvé avant eux le peuple de Pharaon, alors que leur était déjà venu un digne messager. Laissez-moi prendre avec moi les serviteurs d'Allah. Je suis pour vous un messager fiable. Ne vous élevez pas contre Allah. Je vous apporte une évidente preuve d'autorité. Je cherche refuge auprès de mon Seigneur, et qui est aussi le vôtre, pour que vous ne me lapidiez pas. Si vous ne me croyez pas, alors tenez-vous loin de moi. » Il implora son Seigneur en disant, « Ceux-là sont des gens criminels. Pars de nuit avec mes serviteurs, lui répondit Allah, vous serez certes poursuivis. Laisse la mer derrière toi ouverte et immobile, car les armées qui te suivront y seront noyées. Combien de jardins et de sources vives n'ont-ils pas laissé derrière eux ? Combien de champs généreux et d'habitations huppées, et de délices dont ils goûtaient au milieu des réjouissances. C'est ainsi qu'il en fut, et nous en donnâmes l'héritage à d'autres peuples. Ni le ciel, ni la terre ne les pleurèrent, et aucun sursis ne leur fut accordé. Nous avons certes sauvé les enfants d'Israël du supplice humiliant, de Pharaon qui était arrogant et enclin aux outrances. De tous les peuples de l'univers, nous les avons choisis en toute connaissance parmi les autres peuples de leur temps. Nous avons produit devant eux des prodiges qui devaient leur être des épreuves manifestes. Ceux-là disent, « Il n'y aura que notre première mort et nous ne serons point ressuscités. Faites donc revenir nos ancêtres, si ce que vous dites est vrai. Sont-ils meilleurs que le peuple de Toubba et les générations d'avant ? Nous les avons fait périr car ils étaient coupables. » Nous n'avons pas créé les cieux, la terre et ce qu'il y a entre eux pour nous divertir. Nous ne les avons créés qu'en toute vérité. Mais la plupart d'entre eux ne le savent point. Le jour de la décision sera celui de leur comparution à tous. Jour où tel allié ne sera en rien utile à tel autre allié et où ils n'auront aucun secours, hormis ceux à qui Allah fera miséricorde, lui le Tout-Puissant, le tout miséricordieux, l'arbre de Zakkum, est la seule nourriture du pêcheur invétéré. Comme de l'airain en fusion, cette nourriture bouillonnera dans les entrailles, tout comme bouillonne l'eau en ébullition. Prenez-le, sera-t-il ordonné, et traînez-le jusqu'au fin fond de la fournaise. Puis, comme supplice, versez sur sa tête de l'eau bouillante. Puis il sera dit, goûte donc cela, toi qui te disais puissant et digne. Voilà les tourments que vous mettez en doute. Les gens pieux, quant à eux, seront en sécurité dans un lieu amen, au milieu de jardins et de sources vives. Ils y seront habillés en soie fine et en brocart, et se tiendront face à face. C'est ainsi qu'il en sera, et nous leur accorderons comme épouses des houris aux grands yeux noirs. Ils y demanderont des fruits de toutes sortes, et y seront en sécurité. Ils n'y goûteront plus la mort après leur première mort. Et Allah